Avancer malgré tout, se battre coûte que coûte, malgré les coups, relever la tête, jusqu'à en avoir mal au cou. Plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça que tous les jours je m'exerce et que je vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer de le faire, faire taire ceux qui disent le contraire, leur prouver qu'on peut être simple et fier. Moi t'inquiète, mes pieds touchent terre, j'essaye de voir le verre à moitié plein, même si je crains de ne pouvoir le boire avant qu'arrive ma fin. Face au mien, je me dois d'être toujours là et surtout d'être droit. Face à toi, si je t'aime pas, je me dois simplement d'être froid. Je m'en nie à toi ni à moi, donc voilà, si je t'aime pas, tu le seras. Si je me trompe, prouve-le-moi, mon avis changera. Je plie pas, en tout cas, je le montre pas. Pas par fierté, mais parce que j'avance comme ça. Et je t'avoue, c'est plus simple pour moi. Quand je parle, j'ai l'impression que mes problèmes deviennent des drames, alors qu'en général, je les oublie quand je les garde. Prends garde, je suis pas non plus sans cœur, donc si je m'ouvre, dis-moi pas à tout à l'heure. J'évite de faire deux fois les mêmes erreurs. Il paraît que c'est grâce à elle qu'on apprend, donc j'espère me casser la gueule souvent pour comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi on se fait tout chier à se pousser pour passer devant, au lieu de s'élever tous en rang, on avancera qu'en s'unifiant. Et ouais, je suis de ceux qui y croient encore, comme un gland, un blanc qui fêtera le jour où Le Pen partira les pieds devant. Un c'est franc qui vote et qui rira le jour où Sarko s'en ira, carchérisé par la France qu'il appelle d'en bas. Rigole si tu veux, je m'en tape, je te l'ai déjà dit. Moi je crois en moi et moi, je te baisse toi si tu m'aimes pas moi. Trop bon, trop con de nos jours, cette expression n'est plus qu'une illusion, plus de bonté dans ce putain de monde de cons. Et ben non, moi je continuerai de me faire baiser ici et là pour avoir voulu aider lui, elle ou toi. Je veux pouvoir me regarder dans la glace le matin. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal à certains, mais jamais pour rien. Pas de méchanceté gratuite, mais pas du genre à prendre la fuite. S'il y a pas le choix, je te nique ou tu me niques, on verra ensuite. J'aime pas ça, mais ça m'aide quand on me critique. Et de toute façon, face aux compliments, je sais pas pourquoi, mais je panique. Pour mon père et ma mère, je me dois de le faire avant qu'ils partent. Je me dois d'essayer de gérer pour pouvoir les rendre fiers. Je veux pas que ma vie soit la pierre d'un édifice. Moi je veux construire une putain de bâtisse pour mes filles et mes fils. La vie peut te rendre égoïste, triste, défaitiste, pessimiste. Elle peut aussi te rendre réaliste, altruiste, te donner du charisme. Pourquoi pour un regard tu veux jouer le canard? Pour 20$ tu veux me bébar? Pour un coup de chlasse tu finiras au ch'tard. J'ai des valeurs auxquelles je m'accroche, même si j'ai rien, je donnerai jamais mon cul ou les miens pour me remplir les poches. La vie est une suite d'erreurs, des valeurs qui remettent en question à toute heure. Des choses bien qui font qu'on se dit à tout à l'heure. Mes valeurs, une suite d'erreurs que j'ai su utiliser en ma faveur pour que ma vie soit la mienne et non pas la leur.